Bravo. Ça faisait longtemps, missing you to occupy my mind, mind, mind, mind. You see, we're bound to be alone. Funky disco or disco funky. Ce n'est pas bien de boire de la bière car après on est bourré de tête. Does this niche good to drink some beer because after you get so drunk. Bonjour monsieur Anon de Paris, France, Écaton, from Vienne, Australie, Austria. Monsieur Bebop, Strasbourg, France. Bon d'accord, je sais, le map il déconne. Helsinki, yeah, we're gonna come to ski. Story de Karsbank, en Alsace. C'est pas où c'est, mais on s'en fout. 3M from today, Denmark. Low. On a l'Autriche, pardon, la Finlande et le Danemark. It's very cold. Oui, l'Autriche. Bonjour l'Autriche. Non, bonsoir l'Autriche. Bonsoir tout Vienne. If I come to Austria, I want a café viennois. Ça fait déjà 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans bientôt. C'est vrai. Tu te rappelles quand on faisait les cons ici? S'il vous plaît, sa mère le demande.